boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Happiness inclined. Now she's rose from the dead. Les idées sont comme des êtres vivants. Elles naissent, elles croissent, elles prolifèrent, elles sont confrontées à d'autres idées et elles finissent même par mourir. Et si les idées, comme les animaux, avaient leur propre évolution? Et si les idées se sélectionnaient entre elles pour éliminer les plus faibles et reproduire les plus fortes comme dans le darwinisme? Dans Le hasard et la nécessité, en 1970, Jacques Monod émet l'hypothèse que les idées pourraient avoir une autonomie propre et, comme les êtres organiques, être capables de se reproduire et de se multiplier. En 1976, dans Le gène égoïste, Richard Dawkins évoque le concept d'idéosphère. Elle serait au monde des idées ce que la biosphère est au monde des animaux. Dawkins écrit: lorsque vous plantez une idée fertile dans mon esprit, vous parasitez littéralement mon cerveau, le transformant en véhicule pour la propagation de cette idée. Et il cite à l'appui le concept de Dieu, une idée qui est née un beau jour et n'a plus cessé ensuite d'évoluer et de se propager, relayée et amplifiée par la parole, l'écriture, l'art, les prêtres, la reproduisant et l'interprétant de façon à l'adapter à l'espace et au temps dans lesquels ils vivent. Mais les idées plus que les êtres vivants mutent vite. Par exemple, l'idée de communisme née de l'esprit de Karl Marx s'est répandue très rapidement dans l'espace jusqu'à toucher la moitié de la planète. Elle a évolué, muté, puis s'est finalement réduite pour concerner de moins en moins de personnes, à la manière d'une espèce animale en voie de disparition. En même temps, elle a contraint l'idée de capitalisme à l'ancienne à muter elle aussi. Du combat des idées dans l'idéosphère surgit notre civilisation. Actuellement, les ordinateurs sont en passe de donner aux idées une accélération de mutation. Grâce à Internet, une idée peut se répandre plus vite dans l'espace et le temps et plus rapidement encore être confrontée à ses rivales ou à ses prédatrices. C'est excellent pour répandre les bonnes idées, mais aussi les mauvaises, car dans la notion d'idée, il n'y a pas de connotation morale. En biologie non plus, l'évolution n'obéit pas à une morale. Voilà pourquoi il faut peut-être réfléchir à deux fois avant de répandre les idées qui traînent, car elles sont désormais plus puissantes que les hommes qui les inventent et que ceux qui les véhiculent. Enfin, c'est juste une idée. Attention, vous allez être surpris par ce deuxième texte. Ça s'appelle « Mutation des morues ». Ouais, ouais, « Mutation des morues ». La découverte récente d'une espèce de morue aux mutations ultra rapides a surpris les chercheurs. Cette espèce vivant dans les eaux froides s'avère en effet bien plus évoluée que celle vivant tranquillement dans les eaux chaudes. On pense que le stress des eaux froides leur a permis d'exprimer des capacités de survie inattendues. Il y a 3 millions d'années, les hommes ont développé de mêmes capacités de mutation complexes, mais celles-ci ne se sont pas toutes exprimées parce que pour l'heure, elles sont tout simplement inutiles. Elles restent cependant stockées pour servir le cas échéant. Ainsi, l'homme moderne possède en lui d'énormes ressources dissimulées au fond de ses gènes, inexploitées, tant qu'il n'y aura pas de raison de les réveiller. Eh bien, tout un programme. Qu'un million en solde avec mes snuff movies et mes idées glauques. Hey baby, où t'as trouvé ce truc luisant et lourd, chaud comme une fille. Le genre de truc qu'on met à l'intérieur, le genre de truc qu'on sort par l'extérieur. J'aime les choses qui font désordre, j'aime les filles qui mordent. Le digital hardcore, on voit rogue. Et les films qui déifient la coke, les pilules, les drogues à bourgeois, et les filles qui bossent dans le cinéma. Des bulles d'air dans une piscine, des portes rouges qu'on peint en noir. La solution n'est pas au bout de nos langues, les veines creusent, le cerveau tangue. La solution n'est pas au bout de nos mains, après tout nous ne sommes que des êtres humains. Avec des idées du cerveau, du maquillage et des substances, du gaz sortant des caveaux qui coulent sur les pistes de danse. Filons en Angleterre pour rencontrer Sir Thomas More. Le mot utopie a été inventé en 1516 par l'anglais Sir Thomas More, du grec u, préfixe négatif, et topos, endroit. Utopie signifie donc qu'il ne se trouve en aucun endroit. Thomas More était diplomate, chancelier du royaume d'Angleterre et un humaniste, ami d'Erasme. Dans son livre intitulé « L'Utopie », il décrit une île merveilleuse qu'il nomme précisément Utopie et où s'épanouit une société idyllique qui ignore l'impôt, la misère, le vol. Il pensait que la première qualité d'une société utopique était d'être une société de liberté. Il décrit ainsi son monde idéal. 100 000 personnes vivant sur une île. Les citoyens sont regroupés par famille. 30 familles constituent un groupe qui élit un magistrat, le Sifogrant. Les Sifogrant forment eux-mêmes un conseil qui élit un gouverneur à partir d'une liste de 4 candidats. Le prince est élu à vie, mais s'il devient tyrannique, on peut le démettre. Pour les guerres, l'île d'Utopie emploie des mercenaires, les Apolettes. Ces soldats sont censés se faire massacrer avec leurs ennemis pendant la bataille, ainsi l'outil se détruit dès l'usage. Aucun risque de putsch militaire. Sur Utopie, il n'y a pas de monnaie, chacun se sert au marché en fonction de ses besoins. Toutes les maisons sont identiques, il n'y a pas de serrure aux portes et chacun est contraint de déménager tous les 10 ans afin de ne pas se figer dans ses habitudes. L'oisiveté est interdite. Pas de femme au foyer, pas de prêtre, pas de noble, pas de valet, pas de mendiant, ce qui permet de réduire la journée de travail à 6 heures. Tout le monde est tenu d'accomplir un service agricole de 2 ans pour approvisionner le marché gratuit. En cas d'adultère ou de tentative d'évasion de l'île, le citoyen d'Utopie perd sa qualité d'homme libre et devient esclave. Il doit alors travailler beaucoup plus et obéir à ses anciens concitoyens. Disgracié en 1532 parce qu'il désavouait le divorce du roi Henri VIII, Sir Thomas More fut décapité en 1535. Quelle histoire! Table. Now he's going to be sick of my jacket. That is such a nice jacket. I really doubt he's gonna buy me another one. Everyone back to mine. Over and over. Let's do it one more time. Over and over. I wanted to avoid your phone calls. I need to grow myself a backbone. The door, asking for fatigue that he doesn't know. Welcome to the tragic show. It was over before it began. Was this supposed to be the plan? Or won't you come and take my hand? Or won't you come and take my hand? Everyone back to mine. Over and over. Let's do it one more time. Over and over. Everyone back to mine. Écoutez bien Pop and Rock comme tous les lundis entre 17h et 18h, mais ce soir le programmateur a décidé de vous lire du Bernard Werber, la nouvelle encyclopédie du savoir relative et absolu, mais heureusement, il reste du rock. Demain, viens me sourire et me sauver, viens me voir. sollicitation paradoxale. Alors qu'il avait 7 ans, le petit Erickson regardait son père qui essayait de faire rentrer un veau dans une étable. Le père tirait fort sur la corde, mais le veau se cabrait et refusait d'avancer. Le petit Erickson éclata de rire et se moqua de son père. Son père lui dit « Fais mieux si tu te crois si malin !» Alors, le petit Erickson eut l'idée, plutôt que de tirer sur la corde, de faire le tour du veau et de tirer sur sa queue. Aussitôt, par réaction, le veau poussa en avant et entra dans l'étable. 40 ans plus tard, cet enfant inventait l'hypnose ericksonienne, une manière d'utiliser la sollicitation douce et la sollicitation paradoxale afin d'amener les patients au mieux-être. Par exemple, quand on est parent, on peut vérifier que si un enfant tient sa chambre désordonnée et qu'on lui demande de la ranger, il refusera. En revanche, si on aggrave le désordre en apportant jouets et vêtements jetés n'importe où, l'enfant dira « Arrête, ce n'est plus supportable, il faut ranger !» Et si on considère l'histoire, la sollicitation paradoxale est utilisée consciemment ou inconsciemment en permanence. Il a fallu les deux guerres mondiales et des millions de morts pour inventer la SDN, la Société des Nations, puis l'ONU. Il a fallu les excès des tyrans pour inventer les droits de l'homme. Il a fallu Tchernobyl pour prendre conscience des dangers des centrales nucléaires mal sécurisées. Eh ouais, nous ne sommes que des hommes. Les textes de ce soir sont issus de la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Ok, silence. me a bar, dry limb with an ocean flying above. Chilly waves floating still, shining light between the thin clouds pulled up to the sky. Something to claim and fall in love again. I know you try not to complain. I have my ups and downs the other way around. You found something to claim and fall in love again. I have my ups and downs the other way around. You found something to claim and fall in love again. Say what you want. Alchimie. Toute manipulation alchimique vise à mimer ou à remettre en scène la naissance du monde. 6 opérations sont nécessaires. La calcination, la putréfaction, la solution, la distillation, la fusion, la sublimation. Ces 6 opérations se déroulent en 4 phases. L'œuvre au noir, qui est une phase de cuisson. L'œuvre au blanc, qui est une phase d'évaporation. L'œuvre au rouge, qui est une phase de mélange. Et enfin, la sublimation, qui donne la poudre d'or. Cette poudre est similaire à celle de Merlin l'Enchanteur dans la légende des chevaliers de la Table Ronde. Il suffit de la déposer sur une personne ou un objet pour qu'elle rende parfait. De nombreux récits et mythes cachent en fait dans leur structure cette recette. Par exemple, Blanche-Neige, elle est le résultat final d'une préparation alchimique. Comment l'obtient-on ? Avec les 7 nains. Nains issus de gnome ou gnosis, connaissance. Ces 7 nains représentent les 7 métaux, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, le mercure, l'argent, l'or, eux-mêmes liés aux 7 planètes. Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Lune, Soleil, elles-mêmes liées aux 7 principaux caractères humains, grincheux, simplet, rêveur, etc. Thank you. school bus. And the TV schedule never changed. It's a managed decline compared to the 60s. 2009 is good. En 4.6, en train d'écouter Pop and Rock sur la trail locale RVR. Mais ce soir, pas de speak, juste la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. It's coming soon. And getting there. Not from the salvation of the air. Not from the salvation of the starvation. Crossing all the borderlands. Taking down all the ticket lines. Where do they sell you there? You get a say. Above my longer time on residential side. Fisherman is a shoulder. It's more like a DJ song. Not like a radio station beaming. Just like a I'm not afraid to Tibet, ou comment les lois de la nature remettent les choses en place. Lorsque les Chinois annexèrent le Tibet, ils y installèrent des familles chinoises pour prouver au monde que ce pays était peuplé de Chinois. Mais au Tibet, la pression atmosphérique est difficile à supporter. Elle provoque des vertiges et des œdèmes chez ceux qui n'y sont pas habitués. Et par contre, ce quel mystère physiologique, les femmes chinoises s'avérèrent incapables d'accoucher là-bas, tandis que les femmes tibétaines donnaient le jour sans problème dans les villages les plus élevés. Tout se passait comme si la terre tibétaine rejetait les envahisseurs organiquement inadaptés au pays. Haha, belle histoire. Allez, un peu de cuisine. Omelette. L'ordre génère le désordre, le désordre génère l'ordre. En théorie, si on brouille un œuf pour en faire une omelette, il existe une probabilité infime que l'omelette puisse reprendre la forme de l'œuf dont elle est issue. Mais cette probabilité existe. Et plus on introduira de désordre dans cette omelette, plus on multipliera les chances de retrouver l'ordre de l'œuf initial. L'ordre n'est donc qu'une combinaison de désordre. Plus notre univers ordonné se répand, plus il entre en désordre. désordre qui, se répandant lui-même, génère des ordres nouveaux dans lesquels il n'est pas exclu de retrouver l'ordre primitif. C'est bon, vous suivez ? Alors je continue. Droit devant nous, dans l'espace et le temps, au bout de notre univers chaotique, se trouve peut-être, qui sait, le Big Bang originel. Hé hé ! Des chiffres. Par leur forme, les chiffres nous racontent l'évolution de la conscience. Tout ce qui est courbe indique l'amour, tout ce qui est trait horizontal indique l'attachement, tout ce qui est croisement indique les épreuves. Examinons-les. 0. C'est le vide, l'œuf originel fermé. 1. C'est le stade minéral, ce n'est qu'un trait, c'est l'immobilité, c'est l'apparition de la matière. Pas de courbe d'amour, pas de trait horizontal d'attachement, pas de croix d'épreuve, le minéral n'a pas de conscience, il est juste là. 2. C'est le stade végétal. La partie inférieure est composée d'un trait horizontal, le végétal est donc attaché à la terre. Le végétal ne peut bouger son pied, il est esclave du sol, mais il est doté d'une courbe à sa partie supérieure. Le végétal aime le ciel et la lumière, et c'est pour eux que la fleur se fait belle dans sa partie élevée. 3. C'est le stade animal. Il n'y a plus de trait horizontal, l'animal s'est détaché de la terre, il peut se mouvoir, il y a deux boucles, il aime en haut et en bas, il aime le ciel, il aime la terre, mais il n'est attaché ni à l'un ni à l'autre. L'animal réagit en esclave de ses émotions. Ces deux boucles sont aussi deux bouches, l'une pour embrasser, l'autre pour mordre. L'animal est prédateur et proie, il a peur en permanence, peur de ne pas être nourri, peur de ne pas être aimé. C'est pour cela qu'il s'agite constamment. 4. C'est le stade humain. Il est représenté par une croix, il est à la croisée des chemins, c'est le premier chiffre à croisement. Si le 4 réussit son changement, il basculera dans le monde supérieur. Grâce à son simple libre arbitre, il a le choix de rester au stade animal, et donc de vivre dans la peur et l'envie, stagner dans le croisement, attitude qui consiste à laisser ses enfants résoudre le problème à sa place, ou évoluer vers le niveau de conscience supérieur, c'est l'enjeu actuel de l'humanité. 5. C'est l'humain, spirituel. Si l'on observe son dessin, c'est de l'inverse du 2. Le 5 a le trait d'attachement en haut, il est lié au ciel. Il a une courbe en bas, il aime la terre et ses habitants. Ayant réussi à se libérer du sol et donc des besoins matériels, il arrive à comprendre ce qu'il se passe en dessous et il aime globalement l'humanité et la vie. C'est l'humain éclairé, l'être conscient de l'enjeu, de l'aventure, de la conscience. 6. C'est une courbe continue sans angle, sans trait, c'est l'amour total. C'est une spirale qui, grâce à sa spire ou spiritualité, s'apprête à aller vers l'infini. Le 6 s'est libéré du ciel et de la terre, de tout blocage supérieur ou inférieur. C'est un pur esprit sans matière, c'est l'ange, il est pur canal vibratoire. 6 est également la forme du fœtus en gestation. Chaque fois que l'on trace ces chiffres, on transmet cette sagesse. Lullaby should I sing? What little sign could I give to your heart? What lullaby should I sing? What little word? What lullaby should I sing so you finally find all the peace you were looking for? What little sign could I give to your heart so you now trust in me like you did before? What lullaby should I sing? What little sign do you need to be sure? What lullaby should I sing and would it change a thing? Strong, singing this song with tears in my eyes. Made it at night after the fight with tears in my eyes. The song that I wrote was made with my hope and faith in our love. Now help me find it, tell me what lullaby should I sing? What little sign do you need to be sure? What lullaby should I sing? And will it change a thing? What lullaby should I sing so you finally find all the peace you were looking for? What little sign do you need so you know, so you know, you know, you know, you see I'm trying to be strong, singing this song with tears in my eyes. Made it at night after the fight with tears in my eyes. The song that I wrote was made with my hope and faith in our love. Oh, oh, now help me find a sea. I'm trying to be strong, singing this song. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. will let you down. I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Ce soir, vous avez profité d'un pop and rock un petit peu particulier puisqu'il était accompagné par Bernard Werber et sa fameuse encyclopédie du savoir relatif et absolu. Mais également, l'accompagnement était assuré dans l'ordre par les Two Sisters, Ash, Azil, Baby Strange, Brune, Cannibal, Colors in the Street, Dry Can, Joe Bell. À l'instant, c'était Johnny Cash et on se quitte à présent avec Johnny Flynn. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit et comme toujours, bon vent à tous. Would you search through the lonely earth for me? Climb through the briar and bramble. I'll be your treasure. I felt the touch of the kings and the breath of the wind. I knew the call of all the songbirds. They sang all the wrong words. I'm waiting for you. Would you swim through the briny sea for me? Treasure. I'm with the ghost.